إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on est au cours 41 aujourd'hui dans l'explication de Al-Usul al-Salatha avec le sharh du Cheikh Saleh Al-Fawzan, et on est arrivé à la partie où on explique les principes, qu'est-ce qui a rapport avec la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a parlé hier de la hijra, des deux premières hijra. La première hijra, c'est la hijra des sahaba lorsqu'ils sont partis à Al-Habasha, c'est-à-dire en Éthiopie. Et la deuxième hijra, c'était la hijra vers la ville de Médine. Donc on a expliqué ça. Maintenant, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il explique le principe de la hijra de façon générale dans l'islam. Qu'est-ce que c'est? Et c'est quoi le verdict au sujet de la hijra dans l'islam? Donc le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit dans Al-Usul al-Thalatha, « Wal-hijratu al-intiqalu min balad al-shirki ila balad al-islam. » Donc la définition de al-hijra, comme le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab l'a expliqué, et c'est pas seulement le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab qui l'a expliqué de cette façon-là, mais c'est tous les savants de l'islam. Lorsqu'on retourne au livre de fiqh, on trouve cette définition. Et cette définition, c'est que la hijra, en français ça veut dire émigrer, hein, l'immigration, c'est dans l'islam quelque chose de spécifique. C'est-à-dire, quand on dit en français « émigrer », ça peut vouloir dire partir d'un endroit, aller vers un autre, sans que ce soit spécifique à une religion quelconque ou à un principe de la religion. Mais quand on parle de la hijra dans l'islam, c'est pas la même chose. C'est quelque chose qui est spécifique, c'est quelque chose qui est défini, qui est limité et expliqué selon les principes du Coran et de la Sunna. Donc c'est pas n'importe quelle émigration, parce que des fois tu vas entendre des musulmans qui viennent habiter dans des pays non musulmans comme le Canada ou autre, et puis on les appelle, ou ils vont s'appeler eux-mêmes des émigrants, ou bien des muhajiroun, ou bien ils vont dire que ce qu'ils ont fait c'est la hijra. Ça c'est pas une hijra selon le sens islamique. C'est pas une hijra selon le sens de la religion islamique. Dans l'islam, voici la définition de la hijra. La définition de la hijra dans l'islam, c'est al-intiqal min balad al-shirk ila balad al-islam, c'est-à-dire de déménager ou de quitter un pays de shirk pour aller vers un pays d'islam. C'est ça la définition de la hijra dans l'islam. Tu quittes un pays de shirk ou un pays de kufr vers un pays d'islam. C'est ça la définition. Et le Cheikh Al-Fawzan, il élabore là-dessus. Il dit « Al-hijratu fil-lura tarku shay. أما الهجرة في الشرع فهي كما عرفها الشيخ الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وهذه هي الهجرة الشرعية. والهجرة عمل جليل قرنه الله بالجهاد في كثير من الآيات. Donc premièrement, le cheikh il dit, Cheikh Al-Fawzan, il dit que la hijra dans la langue arabe, elle a une définition sur le plan linguistique. Si on dit par exemple la hijra, qu'est-ce que c'est sur le plan de la langue arabe, sans tenir compte de la religion directement. Donc dans le sens linguistique, on va dire que la hijra, ça signifie tark, tark al-shay, c'est-à-dire d'abandonner ou de laisser quelque chose. C'est ça que ça veut dire en arabe. Sur le plan de la religion et de la révélation, comme c'est la définition de la hijra, c'est telle que le cheikh il l'a définie, c'est-à-dire de s'en aller d'un pays de kufr pour aller vers un pays d'islam. Et ça, c'est la hijra selon la définition de la sharia. Et la hijra, c'est une adoration. Ça fait partie des meilleures œuvres que quelqu'un peut faire dans l'islam. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala, il en parle dans le Coran, il en parle toujours accompagné, ou bien souvent accompagné, du djihad, dans plusieurs versets dans le Coran. Donc ça veut dire que c'est une adoration qui accompagne ou qui est reliée au djihad, fi sabilillah. Le fait de lutter dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Cheikh il explique ensuite, il dit « وَلَمَّا هَاجَرَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِلَى الْمَدِينَةِ جَاءَ الْمُهَاجِرُونَ الَّذِينَ كَانُوا فِي الْحَبَشَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ وَاجْتَمَعَ الْمُسْلِمُونَ فِي الْمَدِينَةِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَتَكَوَّنَتْ لِلْمُسْلِمِينَ دَوْلَةً فِي الْمَدِينَةِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ومن يسلم يأتي إليهم وعند ذلك شرع الله بقية شرائع الدين ففرض على نبيه صلى الله عليه وسلم الصيام والزكاة في السنة الثانية من الهجرة وفرض عليه الحج في السنة التاسعة من الهجرة على الصحيح وبذلك تكاملت أركان الإسلام أولها الشهادتان وآخرها الحج إلى بيت الله الحرام. Le cheikh il dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la hijra vers la ville de Médine, il a quitté la Mecque pour aller vers Médine. À l'époque, la Mecque c'est un pays de kufr, c'est un pays de shirk à l'époque, parce que c'est un pays où les gens adorent les idoles et ceux qui sont, disons, en charge de la Mecque, ce sont les mushrikoun. Et ils donnent aux musulmans de la difficulté pour appliquer leur religion. Hein? Et ils les torturent, ils les insultent, ils les humilient, hein? Ils leur donnent un mauvais traitement, ils traitent incorrectement. Ils leur font de l'injustice. Donc, pour eux, ça devient difficile d'appliquer l'islam. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la hijra par la suite vers Al-Madina. Et Al-Madina, à l'époque, était devenue une terre d'islam. Ok? Donc, les musulmans se sont réunis à Médine. Tous les musulmans commençaient à s'installer à Médine et à venir vivre à Médine. Jusqu'à ce que les musulmans deviennent une force et un état comme un pays dans la ville de Médine. Tous les musulmans, tous ceux qui se convertissaient, automatiquement ils venaient s'installer à Médine, ils quittaient là où ils étaient pour aller vivre à Médine. Et à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le reste des règles de l'islam et des principes de l'islam. Et c'est à ce moment-là donc que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète le jeûne, la zakat, dans la deuxième année après la hijra. Puis, il lui a ordonné le hajj, la neuvième année de la hijra. Ça, c'est l'opinion qui est correcte. Et c'est ainsi que les piliers de l'islam ont été complétés. Le premier étant les deux témoignages, shahadatan, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah, et le dernier des piliers de l'islam étant qui était le hajj, faire le hajj vers la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, la maison sacrée, c'est-à-dire la Kaaba. Le cheikh il dit wal hasilu min hadha an na'lama anna at-tawhid huwa al-muhimma al-ula في الدعوة إلى الله عز وجل وأنه يبدأ الداعية به قبل أن يبدأ بالصلاة والصيام أو الزكاة أو الحج لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي 10 سنين يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك ولم يؤمر بالصلاة ولم يؤمر بزكاة ولم يؤمر بحج ولا بالصيام وإنما فرضت عليه هذه الفرائض بعد أن تقرر التوحيد. Donc le cheikh dit, donc le qu'est-ce qu'on veut dire, donc qu'est-ce qu'on a expliqué maintenant, c'est de faire comprendre en fait que on doit comprendre, comme on l'a déjà expliqué dans les cours précédents, que le tawhid c'est la priorité, hein, la première chose, la plus importante, la priorité dans la da'wah, lorsqu'on appelle les gens à Allah. Et que la personne qui fait la da'wah, c'est-à-dire la personne qu'on appelle le da'ya, celui qui fait la da'wah, on l'appelle en arabe un da'ya. Donc la personne qui est un da'ya, qui appelle les gens à Allah, qui invite les hommes à Allah, il doit commencer par le tawhid, avant toute autre chose dans l'islam. Il doit commencer donc par l'appel à l'unicité d'Allah, avant la salat, avant le jeûne, avant la zakat, avant le hajj. Parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est resté à la Mecque pendant 10 ans à appeler les gens au tawhid avant toute chose et à leur interdire le shirk. Il n'aura pas ordonné de faire la salat, il n'aura pas ordonné de donner la zakat, il ne leur a pas ordonné de faire le hajj ni de faire le jeûne, hein, de faire le ramadan. C'est seulement après que le tawhid a été fermement compris et ancré dans le cœur des gens que ces obligations-là ont été ajoutées par la suite. Le cheikh il dit « فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث الدعاة يأمرهم أن يدعو الناس أول ما يدعون إلى التوحيد كما في حديث معاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات إلى آخر الحديث فدل على أنه لا يأمر أو لا نعم أنه لا يأمر بالصلاة ولا الزكاة ولا الصيام إلا أو لا يؤمر بالصلاة والزكاة ولا بالصيام إلا بعد تحقيق التوحيد ووجود التوحيد وأن من بدأ بغير التوحيد فإن دعوته فاشلة ومنهجه مخالف لمنهج الرسل كلهم عليهم السلام. Donc le cheikh il a dit que pour qu'on comprenne bien la chose avec des exemples de la sunna, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a envoyé des gens pour appeler les autres à l'islam, des fois il envoyait des émissaires dans différentes régions, différents pays, hein, pour prêcher l'islam aux gens. Donc quand il envoyait des gens comme ça pour prêcher l'islam, la première chose qu'il leur disait, c'est que lorsque vous allez arriver dans ces différents peuples, que ce soit des juifs ou des chrétiens ou des majus ou d'autres, la première chose à laquelle vous devez les appeler, ces peuples, c'est au tawhid. Et il disait, comme dans le hadith de Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu, lorsqu'il a été envoyé par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au Yémen. Et au Yémen, c'était des gens du livre qui vivaient là-bas. Donc il leur a dit, il a dit à Mu'az, tu t'en vas vers des gens du livre. Alors que la première chose à laquelle tu les invites, soit de témoigner que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et que Muhammad est le messager d'Allah. S'ils te répondent à ça, alors ensuite, apprends-leur que, ou fais-leur connaître que Allah leur a ordonné 5 prières durant le jour et la nuit. Jusqu'à la fin du hadith. C'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc c'est un hadith authentique qui est rapporté selon Abdullah ibn Abbas. Il dit ensuite, فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يُؤْمِنُ. Donc ça c'est la preuve. Ce hadith-là c'est une preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas ordonné aux gens de commencer à faire la salat ou de commencer à faire la zakat ou le jeûne, excepté une fois que le tawhid a été concrétisé et compris et qu'il a été établi et présent chez ces gens-là. Et il n'a pas commencé par autre chose que le tawhid. Le cheikh il dit que celui qui commence par autre que le tawhid, sa da'wa, son invitation ou son appel, elle sera vouée à l'échec. Il n'aura pas de bienfait dans cette da'wa. Parce que c'est une méthodologie qu'il emploie qui est contraire à la méthodologie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, même s'il réussit à convaincre beaucoup de gens et à amener beaucoup de gens avec lui, mais il n'aura pas les fruits de ça. Et ça ne comptera pas non plus puisque les gens n'ont pas établi leur tawhid correctement. Et on sait que une des conditions pour que nos œuvres soient acceptées, c'est qu'elles soient établies sur le tawhid. Donc si tu appelles des gens à faire des bonnes œuvres, à établir la salat, à donner la zakat, à s'écarter de l'adultère, à s'écarter de l'alcool, à abandonner la cigarette, à abandonner plein d'autres péchés, sauf que tu vois que ces gens-là continuent à faire du shirk et continuent à adorer autre que Allah, eh bien, ils ne seront pas considérés comme étant des musulmans. Et au jour de la résurrection, ils ne seront pas protégés de l'enfer éternel. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas établi leur foi et leur pureté dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans le tawhid. Ils ont uniquement fait des aspects de l'islam qui sont des aspects qui viennent après qu'on a établi la base, mais qui ne sont pas des bases en elles-mêmes. Donc ça c'est très important de comprendre ça. Ensuite le shaykh il dit, الرسل كلهم أول ما يبدأون به التوحيد وإصلاح العقيدة وهذا منهج مهم معرفته للسالكين لأنه كثر اليوم من يعكر على هذا المنهج فيغير هذا المنهج ويختار منهجا لنفسه من عنده ومن عند غيره من الجهلة ولا بد من الرجوع إلى منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه فائدة معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته ومعرفة الرسول وسيرته وجعل ذلك من الأصول الثلاثة تعرف كيف دعا الناس وما منهجه صلى الله عليه وسلم في دعوتهم حتى تسير عليه لأنه هو القدوة عليه الصلاة والسلام. الشيخ dit que les messagers ils ont tous commencé par ça, par le tawhid, par la correction de la aqida des gens, commencé par la correction de leurs croyances. Tu vois, il y a peu importe dans quel peuple tu vas, même dans des pays musulmans, peu importe où tu vas trouver des gens qui ont des erreurs dans leurs croyances. Parce que même s'ils sont nés musulmans, ça ne veut pas dire qu'ils sont protégés de l'égarement ou de l'erreur ou de mauvaise compréhension ou de mauvaises croyances. Et on sait que ces mauvaises croyances-là, parfois, se propagent malheureusement très rapidement chez les gens. Et les gens les acceptent très rapidement aussi. Et c'est étonnant comment les gens, parfois, sont plus convaincu ou bien plus rapide à accepter des faussetés et des superstitions que d'accepter la vérité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et voilà les raisons pour ça, c'est parce que le shaitan, il joue vraiment des ruses avec les êtres humains et ça fait que des gens sont facilement trompés par le shaitan à cause de ces ruses-là. Comme par exemple, tu vois que dans certains pays, les gens, ils vont prier ou ils croient en, leur, en, en les morts. Ils croient en les tombes. Ils prient les morts. Ou ils prient leurs ancêtres. Ils croient que leurs ancêtres les protègent. Hein? Donc, ils prient à leurs ancêtres. Même ici, par exemple, à Montréal, au Québec, au Canada, il y a des gens qui se disent, par exemple, qui prétendent qu'ils sont chrétiens ou juifs ou autre religion, et que dans leur religion, à la base, si tu regardes les enseignements de leurs prophètes, que c'était le tawhid, ils ont, et les prophètes ont enseigné que tu dois adorer Allah seul. Pourtant, tu vois que ces gens-là, quand un de leurs proches est mort, ils prient, ils demandent la protection de, leur, de leurs ancêtres ou de leurs proches qui sont morts. Parce qu'ils pensent que du fait qu'ils sont morts, ils sont présents comme ça. Là. Comme s'ils se promènent, leur âme se promène un peu partout, puis ils les appellent, leur demandent la protection, l'aide ou des choses comme ça. Alors qu'il n'y a aucune preuve pour faire ce genre de choses-là dans la révélation, et même dans la révélation qui est falsifiée chez eux, aujourd'hui, il n'y a rien qui justifie ce genre de choses-là. Mais malgré tout, ils le font. Parmi les musulmans, il y a la même chose, tu vois. Alors que dans l'islam, ces choses-là sont encore plus claires, hein, que qu'est-ce qu'elles sont, comment elles ont été mentionnées dans les anciennes révélations falsifiées des juifs et des chrétiens. Dans l'islam, dans le Coran et dans la sunna, ces choses-là sont clarifiées d'une manière aussi claire que le soleil en plein jour. Et malgré tout, tu vois qu'il y a quand même des gens qui tombent dans ce genre d'égarement-là. Et la raison de ça, c'est l'éloignement de la révélation. Et la négligence d'étudier la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la parole du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc si les gens ils ne prennent pas l'effort, ou ne prennent pas le temps d'étudier le Coran et d'essayer de le comprendre, d'étudier la sunna et d'essayer de la comprendre, eh bien ils deviennent comme des ignorants. Ils deviennent comme les ignorants parmi les gens du livre. Ils commencent à inventer dans la religion d'Allah des choses qui n'en font pas partie. Et c'est comme j'ai discuté justement avec des gens qui sont nés dans des familles musulmanes, et ils me disaient justement comme si par exemple, des fois il y a des gens, tu discutes avec eux, ce sont des gens qui sont nés dans des familles musulmanes, ils n'ont jamais lu le Coran, même pas une seule fois. Hein? Donc ils n'ont jamais lu le Coran. Et pourtant, si tu discutes avec eux sur l'islam et que tu leur dis quelque chose de l'islam que eux ils sont pas d'accord, ils vont dire non, ça c'est pas écrit dans le Coran, alors qu'ils ont jamais lu le Coran. Ou ils vont dire ça fait pas partie de l'islam, alors qu'ils ont jamais lu le Coran ni la sunna ni des hadiths dans la sunna. C'est comme s'ils se basaient sur une imagination qu'ils ont, une idée qu'ils ont de l'islam dans leur esprit. Et pour eux, c'est ça l'islam. Et tout ce qui contredit cette façon-là qu'ils ont dans la tête, cette idée-là qu'ils ont dans la tête, ils disent, si ça contredit cette idée, c'est pas l'islam. Et si c'est en accord avec cette idée, c'est l'islam. Mais c'est pas ça la religion de l'islam. L'islam, c'est pas basé sur qu'est-ce qu'on pense ou qu'est-ce qu'on s'imagine. L'islam, c'est basé sur les preuves et les révélations. Donc, le cheikh, il dit que les messagers, eux, ils ont tous commencé par le fait de corriger la aqidah des gens. Et c'est ça le manhaj qu'on doit connaître. Et c'est très important de connaître cette voie-là si on veut suivre correctement la religion. Parce que, le cheikh dit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'opposent et qui critiquent cette méthodologie-là aujourd'hui, ou qui essaient de changer cette méthodologie-là. Ils veulent inventer leur propre manhaj. Et inventer leur propre voie, leur propre méthode pour appeler à l'islam. Ou bien, soit qu'ils veulent suivre la méthode de quelqu'un d'autre, qu'un autre ignorant a inventé. Et ils ne veulent pas retourner au Coran et à la Sunna et à la méthodologie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça c'est le profit qui découle du fait de connaître le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le bienfait qui découle du fait de connaître La biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa vie, comment il a vécu, comment il a pratiqué, comment il a appelé à l'islam, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que dans Al-Usul al-Thalatha, on retrouve ce chapitre qui nous explique qui est notre messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est très important de savoir ces choses-là à son sujet, de savoir comment elle a été sa mission, comment il a appelé à Allah, c'est quoi les étapes qu'il a suivies, c'est quoi la méthodologie qu'il a suivie pour être capable justement de le suivre correctement, hein, et d'être sur sa voie. Pour qu'on sache que lui ça, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre exemple à suivre, c'est notre modèle. Ensuite, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit « Wal-hijratu faridatun ala hadhihi l'umma min baladi shirk ila baladi l'islam wa hiya baqiyatun ila an taqoum sa'a » Donc, de faire la hijra, c'est une obligation pour cette umma. La hijra, c'est une obligation pour cette umma, c'est-à-dire pour les musulmans. Hein, la nation de l'islam, les musulmans. Et c'est une obligation pour eux de faire la hijra des pays de shirk vers les pays de l'islam. Et cette obligation, elle demeure en vigueur et elle reste obligatoire jusqu'à ce que vienne l'heure du jugement dernier. En Arabie Saoudite, c'est un pays. Mais il y a plusieurs pays musulmans, c'est pas nécessaire que ce soit spécifiquement l'Arabie Saoudite. L'important, c'est qu'un musulman quitte un pays qui est un pays de kouf et de shirk vers un pays musulman. Et ça fait partie des obligations pour le musulman. Et on va lire l'explication du cheikh, puis on va expliquer un petit peu plus les détails à ce sujet-là, pour que ce soit plus clair. Donc le cheikh, il dit: الهجرة قرينة الجهاد في سبيل الله وهي فريضة باقية غير منسوخة يجب على كل مسلم يحتاج إلى الهجرة أن يهاجر ولا يجوز للمسلم أن يقيم في بلاد الكفر ولا يقدر على إظهار دينه فيجب عليه أن يهاجر إلى بلاد المسلمين فهي فريضة باقية لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. Donc le cheikh il explique que la hijra, comme on l'a dit tantôt, c'est le compagnon du djihad fi sabilillah. Et c'est une obligation religieuse dans l'islam qui demeure obligatoire et qui n'est pas abrogée. C'est-à-dire, elle n'a pas été annulée ou abrogée par une autre règle qui est venue par la suite. Donc, elle reste toujours obligatoire. Et c'est obligatoire à tout musulman qui a besoin de faire la hijra. Et de donc s'en aller vers un pays musulman. Et c'est pas permis pour un musulman de s'installer et de s'établir dans les pays de Kouf, alors qu'il n'est pas capable d'exprimer ou de montrer sa religion ouvertement. C'est obligatoire pour lui de faire la hijra vers les pays musulmans et ça demeure une obligation. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans un hadith rapporté par Abu Dawud et Ahmad, selon Muawiyah ibn Abi Sufyan, radiallahu anhu, il a dit, radiallahu anhuma, il a dit, la hijra ne va pas cesser jusqu'à ce que cesse la repentance. Et la repentance ne va pas cesser tant que le soleil ne se lève pas de l'Occident ou de l'Ouest. Tant que le soleil ne se lève pas à l'Ouest. Donc, pour répéter encore une fois, il dit, la hijra ne va pas cesser d'être obligatoire jusqu'à ce que la repentance ne cesse d'être acceptée. Et la repentance ne va pas cesser d'être acceptée de quelqu'un tant que le soleil ne s'est pas levé à l'ouest. Du moment que le soleil se lève à l'ouest, tu peux plus te repentir. La repentance est finie. Et à partir de ce moment-là, la hijra n'est plus obligatoire. À partir du moment que le soleil se lève à l'ouest. Ça veut dire que la hijra, elle va rester obligatoire pour les musulmans jusqu'à la fin des temps. Et donc, ça, cette explication-là, c'est très important de la comprendre. Il y a deux points qui sont importants à clarifier par rapport à ce que le cheikh il dit ici. C'est que la hijra, elle est obligatoire pour tout musulman. Mais il y a des conditions pour qu'elle soit obligatoire. Il a mentionné, le cheikh, qu'elle est obligatoire pour le musulman qui est dans un pays de kouf et qui n'est pas capable de montrer sa religion ouvertement et de la pratiquer librement. Donc celui-là, pour lui, s'il est capable, c'est obligatoire de le faire. Donc ça veut dire quoi? Tu ne peux pas pratiquer ta religion ouvertement, pas capable de l'appliquer correctement, puis tu as la capacité de faire la hijra. Dans ce cas-là, tu dois la faire, c'est une obligation. Si tu ne le fais pas, tu es dans le péché. Toutefois, si tu es dans un pays de kouf et que, par exemple, il te manque une de ces deux conditions, ça veut dire que tu es dans un pays de kouf, mais tu n'as pas la capacité de partir. Dans ce cas-là, tu es excusé jusqu'à ce que tu aies la capacité de le faire. Donc, en attendant que tu aies les moyens ou la capacité ou les moyens ou la force ou de quitter, dans ce cas-là, tu es excusé jusqu'à ce que tu aies la capacité. Ça, c'est une règle dans la charia de façon générale. Toute obligation en islam, lorsque elle n'est pas accompagnée de la capacité, la personne est excusée s'il ne la fait pas. D'accord? Puis l'autre point que le cheikh mentionne, c'est que tu dois ne pas être capable d'appliquer ta religion d'exprimer ou de montrer ta religion ouvertement. Donc si tu es dans un pays de kufr où tu es capable de pratiquer ta religion ouvertement et que tu n'as aucun empêchement, aucune contrainte, dans ce cas-là, c'est pas obligatoire de faire la hijra pour le musulman. Ça devient recommandé de le faire, parce que c'est toujours meilleur. Puisque même si on te laisse la possibilité de pratiquer l'islam et de montrer ton islam, mais c'est toujours mieux de pouvoir aller dans un pays musulman, parce que là-bas tu vas pouvoir être encore plus meilleur dans ta foi, dans ta religion. Tu auras encore plus de liberté d'être en train d'appliquer l'islam. De façon générale, maintenant en Occident, ça devient de plus en plus difficile pour les musulmans d'appliquer l'islam. Si on regarde par exemple la France, où les femmes maintenant, si elles veulent porter le sitar, le jilbab, le niqab comme il faut, eh bien il y a des lois maintenant qui leur rendent ça interdit. Donc dans ce cas-là, c'est pas permis pour elles. Si elles ont la capacité de s'en aller, c'est obligatoire pour elles de s'en aller, d'aller dans un autre pays musulman, d'aller dans un autre pays où elles vont être capables de pratiquer leur religion. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Et dans les autres pays, même ici au Canada ou bien aux États-Unis ou les autres pays, quand tu poses la question aux ulama, ils disent, si vous êtes capable d'aller dans un pays musulman, partez. C'est ça qu'ils disent, les ulama. Si vous êtes capable de partir dans un pays musulman, partez. Parce que vous allez avoir toujours des difficultés de pratiquer votre religion. Et eux, qu'est-ce qu'ils veulent, les koufars, comme beaucoup de ulama l'ont expliqué, c'est qu'ils veulent corrompre le comportement et la conduite et détruire la moralité islamique des musulmans pour les égarer du droit chemin. Donc, ils ne les font pas venir dans leur pays par générosité ou par bon cœur, hein, ou parce qu'ils veulent que les musulmans deviennent plus pieux, hein, puis qu'ils se rapprochent plus d'Allah, puis qu'ils augmentent leur piété, leur application de la charia de l'islam, pour qu'ils deviennent des hafiz Qur'an, et pour que les femmes commencent à pratiquer le djilbab, à porter plus le djilbab, et hein, que les hommes laissent la barbe et commencent à aller à la mosquée, puis qu'on ouvre des grosses mosquées dans leur pays. C'est pas ça leur intention, et c'est pas ça leur but. Même qu'on voit maintenant le contraire, que toute personne, tout musulman qui essaie justement d'être un meilleur musulman et d'appliquer sa religion correctement, eh bien, on fait tout pour le stigmatiser, le marginaliser, mentionner à son sujet que c'est un extrémiste, un islamiste, un intégriste, un je sais pas quoi encore. Puis, les femmes qui veulent porter le niqab, on leur fait des problèmes, on leur donne des problèmes, et ainsi de suite. Alors que, on est des musulmans ordinaires, on n'a rien à voir avec l'extrémisme. C'est donc un signe clair que, pour ces gens-là, le but, c'est d'essayer de rendre l'application de la religion plus difficile pour les croyants. Et d'obstruer le chemin d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sans compter qu'est-ce qui se passe avec les médias. Et l'image négative qui est diffusée dans les médias au sujet de l'islam et des musulmans pour faire peur aux gens, même pour faire peur non seulement aux koufars, mais même pour faire peur aux musulmans eux-mêmes, hein, pour leur faire peur, subhanallah. Donc il ne faut pas être naïf au point de penser que ces gens-là sont heureux de la propagation de l'islam dans leur pays, puis qu'ils sont satisfaits de ça, puis qu'ils encouragent ça. Non, ils veulent, comme Allah il le dit, ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche. يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ. Donc, ça c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné. Mais, alhamdulillah, parmi les conditions qui fait qu'un musulman a le droit donc de rester dans ce pays, c'est qu'il appelle les hommes à Allah subhanahu wa ta'ala avec science, après avoir étudié sa religion, et qu'il veut appeler les hommes à Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce cas-là, oui, c'est permis pour lui de rester. Mais, bien entendu, avec des règles et des conditions. Donc, il y a différents points de vue à prendre en considération vis-à-vis de ce sujet-là. Il y a les musulmans qui viennent des pays musulmans qui viennent s'installer ici. Ça, c'est un point. Parce qu'on sait que c'est pas permis pour un musulman qui est dans un pays musulman de quitter ce pays-là pour aller dans les pays de kufr, excepté pour des conditions que les ulama ont mentionnées. Et pour que ce soit premièrement temporaire, comme la personne qui veut venir, qui est un pays musulman pour venir ici, comme Cheikh Ibn Uthaymeen mentionne dans le Sharh de Al-Usul al-Thalatha. Cheikh Ibn Uthaymeen, dans son explication du livre qu'on est en train de lire de Al-Usul al-Thalatha, il a vraiment détaillé ce sujet-là. Il a mentionné, comme par exemple, que celui qui veut venir ici, il faut que ce soit pour une bonne raison qui est justifiée par la charia. Parmi ces raisons-là, comme s'il va venir temporairement pour se faire traiter pour une maladie qu'il a, et que on peut pas trouver ce traitement-là dans les pays musulmans. Il vient pour ça, quand il fait ce traitement, il retourne dans son pays après. Donc ça, c'est permis. Ou bien, il vient pour faire des études spécialisées dans un domaine qu'il ne peut pas trouver dans un pays musulman. Donc il va aller temporairement étudier dans ce domaine-là, puis une fois qu'il a appris, il va retourner dans son pays. Ou bien, il vient par exemple pour faire du commerce, vendre ou acheter, puis il retourne dans son pays. C'est pas il vient, il s'installe, il prend la nationalité, la citoyenneté, hein, pendant des années, il reste 5, 10, 15, 20 ans, il se marie, il fait des enfants, puis là après ça il dit bon, peut-être là je vais. Habituellement à ce point-là, il pense même plus à retourner dans son pays. Hein, et ses enfants sont, si ses enfants grandissent ici, là, en général, ils veulent plus, ou soit ils ont de la difficulté à retourner. Donc c'est pas ça, c'est pas ça qui est permis dans, ça c'est pas permis de à ce point, de ce point-là, c'est pas correct. Donc ça, ça fait partie des exceptions ou des cas d'exception qui ont été mentionnés par les ulama dans les livres pour dire que dans ces cas-là, c'est permis pour eux de venir. Mais même dans ces cas-là, il y a encore des conditions pour qu'ils puissent venir. Parmi les conditions que les ulama ont mentionnées pour que ces gens-là puissent quitter leur pays pour venir ici, pour ces raisons-là, il faut que ce soit une personne qui a une science de la religion qui est suffisante pour être capable de se protéger lui-même contre les shubuhat, parce que tu sais que les kuffars, ils vont essayer toujours de t'attaquer dans ta religion, de mettre des doutes dans ta foi, pour essayer de te faire devenir kafir, de faire devenir mécréant. Donc il faut que tu connaisses ton tawhid, il faut que tu connaisses ta aqida, il faut que tu connaisses les bases de la, hein, du fiqh, des pratiques de l'islam. Sinon, tu risques de tomber dans l'égarement, puis de t'éloigner à cause de ton ignorance. Deuxième condition, il faut que tu aies un niveau de religion assez élevé, c'est-à-dire de la pratique religieuse assez grande, qui va te préserver contre les tentations et contre les désirs. Parce que des fois, il y a, dans cette société, beaucoup de libertinage, beaucoup de perversité ouverte, que tu vas pas trouver dans les pays musulmans de cette manière-là. C'est-à-dire que dans les pays de Kufr, il y en a qui disent « Ah, les pays musulmans, il y a aussi des péchés là-bas. » Oui, c'est vrai, il y a peut-être des péchés là-bas. Sauf que la différence, c'est que là-bas, des péchés vont être faits, mais c'est des choses honteuses, des choses que les gens se cachent pour faire en général, excepté si le niveau de moralité est très très bas, peut-être dans certaines grandes villes, dans certains pays. Mais sinon, de façon générale, s'il y a un péché qui se fait, c'est un péché qui se fait dans des endroits où les gens se cachent pour le faire. Tandis que des choses comme ça ici sont faites en plein jour, ouvertement, devant tout le monde. Hein? Donc, il y a une différence entre les deux. Et donc, quand les gens qui ont une foi faible, qui ont des tentations dans le cœur, des désirs, hein, un penchant pour la perversité, quand ils viennent ici, si leur foi n'est pas assez forte, eh bien, ils peuvent facilement se laisser aller dans ce genre de comportement-là et de perversité-là, puis tomber dans le péché, puis perdre leur foi par la suite à force de pratiquer trop de péchés. Donc, ça c'est la deuxième condition, de posséder un niveau de piété assez grand pour être capable de s'abstenir soi-même de ce genre de tentation-là. Ok. Et troisième condition que les ulama ont mentionné, c'est que la personne, il faut qu'elle ait la capacité de montrer ouvertement sa religion. Il ne faut pas qu'elle soit une personne faible dans sa personnalité. Il ne faut pas que ce soit une personne qui est complexée devant les kuffars. Il faut que ce soit une personne, au contraire, qui ait une personnalité forte, qui n'a pas peur de montrer qu'est-ce que c'est sa croyance, qu'est-ce que c'est sa religion. Elle va pas avoir honte d'être musulman, au contraire. Elle est sûre d'elle-même et elle est fière d'être croyante, d'être musulmane, et elle ressent aucune gêne devant les kuffars au sujet de quoi que ce soit de ce qui a rapport avec sa foi et sa religion. Parce que qu'est-ce qu'on voit maintenant des musulmans, c'est qu'ils adoptent une attitude parfois de... comme s'ils sont gênés d'être musulmans, ils sont gênés devant les kuffars, donc ils vont tout faire pour cacher leur religion, cacher leur islam, et c'est pour ça que tu vois que les femmes musulmanes maintenant qui viennent des pays musulmans, elles vont porter le moins possible le hijab, et si elles vont le porter, elles vont porter le minimum possible, pour qu'elle ne se fasse pas remarquer comme étant musulmane. Comme si tu vois plein de contradictions à cause de ça. Et les hommes, c'est encore pire. Les hommes, ils vont essayer de tout faire pour passer incognito dans la société pour qu'on ne sache pas du tout que ce sont des musulmans. Hein? Et sans compter ou sans parler du fait que dans les pays de Kufr, les jeunes bid'a se sont installés. Les groupes et les sectes et les tendances différentes de différentes orientations dans les différentes sectes d'égarement se sont installées ici. et ils en profitent pour propager leurs égarements. Donc si on prend ça en considération par la suite, ça devient un danger plus grand encore, même non seulement par rapport aux koufars, mais même un danger par rapport à ces sectes d'égarement-là qui risquent de pousser beaucoup de gens parmi les musulmans à tomber dans d'autres formes d'égarement au nom de l'islam, comme les chiites, hein, les chiites, les soufis, il y a plein de groupes soufis ici, des groupes politiques, des hizbiyins, différents groupes de hizbiya, comme les ikhwan et autres, les ahbash, et plein d'autres encore, qui propagent toutes sortes d'idéologies, de croyances qui sont contraires à l'islam, et puis qui par la suite essaient de propager ça chez les musulmans. Donc, tout ça, c'est des éléments qui font que, pour les musulmans, de s'installer ici, ça devient de plus en plus difficile, de plus en plus compliqué, et c'est quelque chose qu'ils doivent faire très très très attention, et ils doivent travailler le plus possible pour, s'ils sont dans les pays musulmans, de ne pas venir, premièrement, parce qu'il y a beaucoup de musulmans dans les pays musulmans, ils ne savent même pas ces choses-là qu'on est en train de mentionner maintenant. Ils ne sont même pas au courant de ça. Ils ne savent même pas que ce n'est pas permis pour un musulman de quitter un pays musulman pour venir dans un pays de kufr. Et beaucoup d'entre les musulmans maintenant, dans les pays musulmans, comme vous avez vu, qu'est-ce qui s'est passé dans les manifestations, puis dans les coups d'État, les rébellions, les révoltes dans les pays musulmans, ils ont l'idée maintenant, certaines catégories des musulmans, à cause de la propagation de la secte des Ikhwan et de leurs idées, ils pensent maintenant que un pays musulman, c'est un pays où il faut qu'il y ait aucun péché, aucune injustice, aucune faute, aucune erreur. Il faut que ce soit un pays parfait où les hommes, où les dirigeants doivent être sans aucun péché, aucune faute. Et ça ne peut pas et ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé non plus. Un pays musulman, ce n'est pas un pays comme eux, ils s'imaginent, où que tout le monde est parfait dedans. Et les dirigeants sont parfaits. Et la population sont parfaits. Et il n'y a personne qui fait de péché. Non, c'est pas ça un pays musulman. Un pays musulman, c'est un pays où lorsque tu vas trouver des péchés, lorsque tu vas trouver des fautes et des erreurs, les dirigeants vont appliquer les principes et les règles de l'islam pour corriger ces péchés-là et ces erreurs-là. Hein? Et où les musulmans peuvent appliquer leur religion, aller à la mosquée, faire leurs prières et établir leur tawhid et leur aqida et pratiquer leur islam, et où les règles de l'islam sont au-dessus des autres règles. Donc ça, c'est des pays musulmans, et c'est sûr que s'il y a des pays, par exemple, où il n'y a pas, par exemple, où les règles de l'islam ne sont pas appliquées comme ils devraient être appliquées, ça ne veut pas dire que, comme certains qui pensent aujourd'hui, qui disent « Ah, ces pays-là, il y a plein de péchés, il y a plein de choses qui ne sont pas correctes dedans, il y a des injustices. » Donc, on les abandonne, on vient chez les koufars à la place. Cette mentalité-là, c'est une mentalité complètement contradictoire. Puisque là-bas, il y a la base de l'islam. Puisque là-bas, c'est des pays musulmans, il y a des erreurs, il y a des fautes. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Il faut travailler à améliorer la situation. Il faut travailler à réformer la société, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de réformer la société, à appeler les gens au bien, à ordonner le bien, à interdire le mal, à inviter les gens au tawhid, à faire la da'wah à Allah avec sagesse, avec science, en retournant aux ulama. C'est ça qu'il faut faire pour améliorer la situation des pays musulmans. Mais pas de dire, ah, ces pays-là, il y a des choses qui ne sont pas correctes, on va venir ici. Hein? Ici, est-ce que tout est parfait, tout est correct? Il n'y a pas de péché, il n'y a pas de désobéissance, il n'y a pas de shirk, il n'y a pas de kufr. Au contraire, c'est ici qu'il y a le shirk et qu'il y a le kufr. Et les péchés et les désobéissances et le désordre qui existent dans les pays musulmans, souvent, ils sont venus à cause de l'influence que ces pays d'ici ont sur les pays là-bas. Et eux, ils sont allés mettre le désordre là-bas, après eux, ils quittent là-bas, ils viennent ici maintenant. Ça, c'est une attitude lâche. Parce que tu dis, ah, chez nous, c'est pas bon, et moi, j'ai pas la patience, et j'ai pas le courage de travailler pour améliorer les choses, pour changer la situation, donc je pars et je m'en vais là où les choses hein, vont me permettre de vivre ma petite vie, hein, comme je veux moi, avec le confort matériel, hein, l'aisance et tout ce que je peux avoir de la dunya. Du moment que moi je vis bien, je m'en fous de qu'est-ce qui se passe chez les autres. Donc ça, c'est pas la, l'attitude que le musulman doit avoir. Et Cheikh Al-Fawzan, il l'a expliqué dans d'autres cours, dans d'autres livres aussi. Il a dit beaucoup de musulmans qui viennent dans les pays occidentaux maintenant, ils viennent juste parce qu'ils veulent avoir la belle vie, avoir des conforts, le confort matériel, ou bien la belle vie dans la ville d'ici-bas. Ils ne peuvent pas endurer le climat chaud ou bien la vie plus rude telle qu'elle est dans les pays musulmans. Alors ils préfèrent venir ici. Parce que si c'était vraiment pour Allah qu'ils quittaient leur pays, ils iraient dans des pays où il y a plus d'islam, pas des pays où il y a moins d'islam. Alors pourquoi ils vont dans des pays riches et industrialisés? Pourquoi ils ne vont pas dans des pays pauvres et défavorisés? Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'ils veulent? C'est le confort et la belle vie matérielle. Hein? Et yani, c'est la preuve. Qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est ça. C'est la preuve de ça. Donc, ça c'est pour ceux qui vivent dans les pays musulmans qui veulent venir s'installer ici. Maintenant, pour ceux qui sont nés ici, parmi les convertis ou bien parmi les musulmans de deuxième ou troisième ou quatrième génération qui sont nés ici ou en Europe, il y a plusieurs générations là-bas, et bien dans ce cas-là, c'est obligatoire aussi pour eux de partir dans un pays musulman pour aller s'installer. Mais c'est évident que si, par exemple, certains, par exemple, ils ont une nationalité d'origine d'un de ces pays musulmans-là, puis de retourner dans leur pays d'origine, c'est plus facile pour eux que quelqu'un, par exemple, qui est né dans un pays d'origine à la base qui est chrétien ou non musulman, puis d'aller s'installer dans un pays musulman. Des fois, c'est plus difficile. Mais les ulama, ils disent à ce sujet-là, chacun doit faire son effort pour essayer d'aller là où il est capable d'aller pour établir sa religion. S'il est capable d'aller en Arabie Saoudite, ça c'est le mieux. C'est l'idéal, mais s'il n'est pas capable, dans ce cas-là, il peut aller dans n'importe quel autre pays musulman. Même si ce n'est pas un pays qui est 100% sur l'islam ou sur la sunna, ça n'est pas 100% correct comme il devrait, mais au moins, c'est toujours mieux que d'être dans un pays de kufr. C'est toujours mieux que d'être dans un pays de kufr. Parce que, n'importe qui va dans un pays musulman, il va le constater. Quand tu vas dans un pays non musulman, on dirait que t'es en train d'avancer dans le sens contraire de la société. T'es comme à contre-courant. Tu vois? Tandis que quand tu vas dans un pays musulman, t'es en harmonie avec ton environnement. Tu vois? Et que, tout ce qui est autour de toi t'incite à être un meilleur musulman et à faire des efforts pour établir ta religion comme il faut. Tandis que, quand tu es dans un pays non musulman, n'importe quel petit détail de ta foi et de ta religion, ça devient compliqué. Ça devient difficile. Faire tes 5 prières par jour, c'est difficile. Faire respecter à tes enfants les 5 prières par jour, c'est difficile. Maintenant, il y a plein de parents musulmans, par exemple. Ils envoient leurs enfants à l'école et ils savent très très bien que au primaire et au secondaire et au cégep, leurs enfants vont jamais prier. Jamais. Sauf s'ils les ont vraiment éduqués sur la crainte d'Allah et la compréhension de l'islam, que lorsqu'ils sont dehors, ils savent que lorsque l'heure de la prière est entrée, je dois prier. Si l'enfant il a été éduqué de cette façon-là, peu importe où il va être, peu importe le moment et l'endroit, il va savoir que c'est l'heure de la prière, il va se lever, il va prier. Mais la majorité des musulmans, tels que j'ai vu moi-même avec mes propres yeux, dans les écoles publiques, secondaires ou collégiales, c'est pas comme ça qu'ils ont élevé leurs enfants. Parce que quand c'est l'heure de la salat, personne va prier. Hein? Donc tu dis, mais quand est-ce qu'ils prient, tu vois? Quand est-ce qu'ils prient? Et le Jumu'ah. Quand est-ce qu'ils vont aller faire la Jumu'ah? Ils ne vont pas quitter leur cours au secondaire pour aller prier le Jumu'ah. Et moi, je me souviens personnellement quand j'étais au secondaire, subhanallah, il y avait deux, moi puis un autre frère qui priait dans toute l'école, alors que dans l'école il y avait peut-être une centaine de musulmans, tu vois. 16 ans, presque 17 ans. J'étais en secondaire 4, puis en secondaire 5, je priais dans l'école, il y avait un seul frère qui priait avec moi, qui s'appelait Mohsen, je me rappelle. Subhanallah, tous les autres, c'est comme, ils prient pas, les garçons ni les filles, tu vois. Et les koufars, ils ont pris l'habitude de voir que les musulmans, ils prient pas. Et quand les koufars voient un musulman qui prie, ça les surprend. Yani. Ah, tu pries, hein? Alors que à la base, on sait que c'est les cinq piliers de l'islam. Même tout le monde sait que dans l'islam, il y a cinq prières par jour. Tout le monde sait ça. Tous les koufars, ils savent ça. À l'école, même les koufars à l'école, dans leurs cours, on leur apprend qu'il y a cinq prières quotidiennes par jour dans l'islam. Tout le monde sait ça. Pourtant, personne ne se choque de voir que les musulmans, ils ne prient pas cinq fois par jour. Tu vois? Et ça, c'est sans parler de ceux qui ignorent même le tawhid et qui se disent musulmans parce que leurs parents ne connaissent pas le tawhid. Ou bien, ils ont entendu parler de la ilaha illallah et du tawhid, mais ils ne savent pas l'importance de ça dans l'islam. Pour eux, c'est comme la ilaha illallah, oui, c'est banal. C'est comme pour eux, dire la ilaha illallah, c'est comme s'ils disent... ouais, on doit faire le jeûne de Ramadan quand c'est le Ramadan. Mais il sait pas pourquoi. C'est juste, c'est comme ça chez nous. On vient de tel pays, puis dans notre pays, quand c'est le Ramadan, on jeûne. Ou, tu vois, c'est quelque chose qui est devenu juste tradition. Mais si c'est comme ça maintenant, imaginez après des générations que les musulmans vivent dans les pays de Kufr. Dans le passé, quand l'islam entrait dans un pays, et que l'islam s'installait dans un pays, il s'installait avec la force. Et il prenait il prenait ce pays-là par la force. Et ils installaient l'islam par la force. Donc, l'islam restait dans ce pays-là, et au fur et à mesure, les gens devenaient de plus en plus fort dans leur islam. Et les gens acceptaient l'islam d'eux-mêmes, juste en voyant les musulmans. Mais dans des sociétés comme ici, les musulmans viennent par faiblesse. Et c'est eux qui regardent en haut aux koufars. Et c'est les koufars qui les regardent en bas. Et les musulmans qui tendent leurs mains pour demander aux koufars. Et les koufars qui regardent les musulmans de haut. Donc, c'est pas la même chose. Hein? Donc, si tu vois tous les pays musulmans aujourd'hui, que ce soit le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, la Libye, le Pakistan, l'Inde, la plupart de ces pays-là, c'était pas des pays musulmans. À la base, c'était pas des pays musulmans. L'islam est rentré dans ces pays-là par la suite. Mais comment ça se fait que 14 siècles après, on a encore l'islam? Parce que l'islam a vraiment été fermement enraciné dans ces sociétés-là, avec des bases solides. Mais ici, c'est le contraire. Les musulmans, quand ils viennent, ils ne sont pas enracinés solidement. C'est pour ça que tu les vois, ils fondent de plus en plus dans la société, deviennent comme les koufars. Hein? Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre l'importance maintenant de la hijra. Et que c'est une obligation. Le Cheikh il dit ensuite: wa dalil qawluhu ta'ala innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha fa ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله عفوا وكان الله غفورا رحيما. Donc le cheikh il mentionne maintenant les preuves de la hijra, les preuves de l'obligation de la hijra. Il mentionne le verset 97 à 100 dans sourate An-Nisa. C'est le verset qui parle de la hijra. Il dit donc ce verset: et ceux qui meurent, ceux dont les anges viennent prendre leurs âmes alors qu'ils se font de l'injustice à eux-mêmes, hein, en restant chez les koufars, les anges viennent et prennent leur âme et ils leur demandent: où en étiez-vous dans votre religion? Où en étiez-vous par rapport à votre religion, que vous étiez chez les koufars, hein? Est-ce que vous étiez avec eux? Et ils disent: nous étions faibles sur la terre. Nous étions faibles, on n'avait pas la force pour être capable de quitter ou de nous en aller ou des choses comme ça. Alors, les anges répondent, ils ont dit: n'est-ce pas que la terre était assez vaste pour que vous puissiez faire la hijra, pour que vous puissiez quitter cette terre-là où vous étiez faible pour aller vers une autre terre où vous auriez pu pratiquer votre religion avec force, avec honneur, avec dignité? Et eux, ils répondent, Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite: et ceux-là, leur destination sera l'enfer. Et quelle mauvaise destination! Excepté, donc ça c'est ceux qui ont donné comme excuse une fausse excuse, parce qu'ils ont dit qu'ils étaient faibles, mais la réalité c'est que c'est pas parce qu'ils étaient faibles, c'est parce que, hein, peut-être ils se sont laissés aller, ils ont été paresseux, ils n'ont pas voulu faire l'effort de faire la hijra, ils sont trop bien chez eux, avec leur confort, leur matériel et tout ce qu'ils ont besoin, ils ne veulent pas faire la hijra, donc eux, Allah subhanahu wa ta'ala les a punis à cause de ça. Tandis que ceux qui sont réellement faibles parmi les hommes, parmi les femmes, parmi les enfants, et qui ne sont pas capables de trouver une ruse pour s'en aller, et qui ne connaissent pas le chemin, alors ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala va leur pardonner. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala est certes pardonneur et indulgent et pardonneur. Et quiconque fait la hijra, c'est-à-dire quitte le pays des kuffar et des mushrikines pour aller vers les pays musulman, il fait la hijra fi sabilillah, dans le sentier d'Allah, il va trouver beaucoup de biens sur la terre et de l'aisance. Et quiconque sort de sa maison avec l'intention de faire la hijra vers Allah et son messager, puis qu'en chemin il se fait prendre par la mort, il meurt en chemin, alors il aura quand même sa récompense. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala va quand même lui donner sa récompense. Et certes, Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc, le cheikh, il explique ce verset. Ensuite, il dit: هاتان الآيتان فيهما الوعيد على من ترك الهجرة وهو يقدر عليها وأن مأواه جهنم وساءت مصيرا وإن كان لا يخرج من الإسلام ولكن هذه من نصوص الوعيد وإن كان ترك الهجرة فقد ترك واجبا وكان عاصيا ولكن لا يخرج من الإسلام بترك الهجرة ولكن عليه وعيد شديد. Le cheikh dit que ces deux versets-là, c'est la preuve que celui qui abandonne la hijra, c'est-à-dire il délaisse le fait de quitter les pays des kuffars et des mushrikins, hein, alors qu'il a la capacité de le faire, que c'est une menace pour lui qu'il sera en enfer. Et quelle mauvaise destination. Mais ça ne veut pas dire qu'il est sorti de l'islam. Mais ce sont les textes de la menace qui sont dans le Coran pour faire comprendre que cette personne-là, elle a abandonné une chose obligatoire dans l'islam et qu'elle est désobéissante et qu'elle a commis un péché, mais sans toutefois sortir de l'islam parce qu'elle n'a pas abandonné l'islam ou elle n'a pas quitté l'islam parce qu'elle n'a pas fait la hijra, sauf qu'elle est sous une sévère menace. Hein? Donc tu vois les gens par exemple, pour venir dans les pays kuffar, ils sont prêts à dépenser des sommes d'argent incroyables et à dépenser de leur argent, vendre tout ce qu'ils possèdent pour venir dans les pays des kuffar. Oui, c'est vrai. Il y a des gens, comme le frère il dit, il y a des gens qui ont dans leur pays l'aisance et le confort, une vie hein, respectable sur le plan économique, sur le plan de l'argent, ils sont bien dans leur pays, ils ont un bon poste, un bon travail, de l'argent et tout. Puis ils viennent s'installer dans les pays de Kouf, ils vendent tout, ils vendent leur maison, ils vendent hein, tout ce qu'ils possèdent, ils viennent avec leurs femmes et leurs enfants ici, ils perdent tout. Hein, et tu les vois quelques années après, ils sont sur le bien-être social, comme le frère dit, l'aide sociale du gouvernement. Et non seulement ça, des fois même, j'ai vu des histoires encore plus graves que ça. Un homme qui venait avec sa famille, quelques années après, sa femme l'a divorcé, il a perdu ses enfants sont égarés, il a tout perdu. Donc pour lui, venir ici, c'était comme s'il allait rentrer au paradis. Quand on lui a donné le visa pour venir, c'est comme si ça y est, j'ai réussi, j'ai le succès maintenant de ma vie. Et quand il arrive ici, non seulement il perd sa religion, il perd sa famille, il perd son argent, il perd tout. Ça, c'est arrivé à beaucoup de gens. Hein? Et des histoires comme ça, on pourrait en raconter plein. Comme ça. Mais bon, Allah musta'an. Nous, qu'est-ce qui est important? C'est juste de comprendre qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à ce sujet-là dans le Coran. Hein? Comme dans le verset 97 à 100 dans Surat al-Nisa. Donc le cheikh, il dit: ثم بين الله بالآية التي بعدها العذر الذي يسقط وجوب الهجرة. قال تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، يعني الأطفال، لا يستطيعون حيلة، ما عندهم إمكانيات، ولا يهتدون سبيلا، أي ولا يعرفون الطريق إلى البلد، إلى المدينة، لأن الهجرة تحتاج إلى سفر، وإلا فإن الإنسان يهلك خلال الهجرة إذا كان لا يعرف الطريق. فعذرهم في أمرين: الأول لا يستطيعون حيلة، والثاني لا يهتدون سبيلا، حتى لو كان عندهم إمكانيات مادية ولكنهم لا يعرفون الطريق الذي يسلكونه، من يدلهم. هذا هو العذر الصحيح. أما الإنسان الذي عنده إمكانيات ويعرف الطريق فهذا لا عذر له. Donc le cheikh il dit, puis ensuite il a expliqué. طيب. نعم. Donc le cheikh il explique ensuite, il dit que par la suite Allah subhanahu wa ta'ala il a clarifié les excuses qui font que l'obligation de la hijra peuvent tomber. C'est comme Allah subhanahu wa ta'ala il le dit, excepté pour les gens qui sont faibles, parmi les hommes, les femmes et les enfants, qui n'ont pas les moyens de le faire, de faire la hijra, de quitter les pays des mushrikines et des kuffars pour aller dans les pays de l'islam, et qui ne connaissent pas le chemin. Donc celui-là, il a une excuse. Donc la première condition, ils n'ont pas les moyens. C'est-à-dire, ils ne sont pas capables de faire la hijra. Et la deuxième condition, ils ne connaissent pas le chemin. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ils ne connaissent pas le chemin pour le faire. Donc, ils n'ont pas les capacités économiques. Et même si, parfois, la deuxième condition, ils ont la capacité, mais ils ne connaissent pas le chemin, ou bien ils n'ont personne pour leur montrer le chemin à prendre pour y aller. Donc, ça, c'est les excuses valables. D'accord? Donc, on voit que ça, c'est les principes de la hijra dans l'islam. Il y a maintenant, à notre époque, maintenant, des groupes parmi les musulmans qui contredisent donc ce principe-là. Ils en parlent jamais et ils le cachent, le verdict au sujet de la hijra, ils n'en parlent pas, ils le cachent aux musulmans parce que justement, ils ont un programme, ils ont un plan qu'ils suivent, qui a été établi par les gens qui ont formé leur groupe. Et ce plan-là, même s'il est en contradiction avec le Coran et la Sunna, ça leur est égal. L'important pour eux, c'est juste d'arriver à établir leur programme. Donc, tu les vois maintenant, ils appellent les musulmans à s'installer chez les koufars, même s'ils vont perdre leur religion ou leur pratique. C'est pas grave pour eux. Beaucoup de musulmans maintenant, ils s'installent ici. Ils veulent la dunya, ne pensent pas à l'akhira. Et deuxièmement, tu les vois non seulement appelés à venir vivre dans les pays koufars, mais aussi à prendre la citoyenneté de ces pays-là, à devenir des citoyens de ces pays-là, qui sont des pays dont les lois et les constitutions sont en opposition avec les fondements du tawhid de l'islam. Et quand ils ont des problèmes, par exemple, familiaux, des problèmes sociaux, eh bien, ils ont de la difficulté à régler ces problèmes-là selon le Coran et la Sunna, parce que justement, tout ce qui est dans la société autour d'eux oppose l'application du Coran et de la Sunna dans ces choses-là. Donc, c'est important pour les musulmans donc d'étudier et d'apprendre leur religion comme il faut, de connaître les principes qui ont rapport avec la hijra et les règles dans le Coran et dans la Sunna à ce sujet-là, pour qu'ils puissent justement préserver leur foi et leur croyance et leur religion, quitter les pays des koufars et des mushrikines pour aller vivre dans les pays musulmans. Ça, c'est très important. Ça, c'est pour que leur foi soit protégée et préservée. Parce qu'ici, leur foi et leur religion, elle n'est pas en sécurité, elle n'est pas préservée. Tout ce qui est autour d'eux, c'est des shubuhat et des fitan qui risquent de les faire tomber dans l'égarement ou dans le péché. Donc on va s'arrêter ici, inshallah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.